Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et oui, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire que vous commencez à connaître maintenant, 120 au compteur sur RLM, comme tous les jeudis soirs de 20h à 22h, avec tous les animateurs préférés, enfin j'espère que vous les aimez en tout cas, avec Harry, donc moi-même, hein, je vous salue tous, et avec, allez, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on va commencer par Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors Sherlock qui va nous parler de cinéma, il parle beaucoup de cinéma en ce moment. Hein. C'est vrai, effectivement. Ouais. Donc tu vas nous parler de cinéma. Évidemment, avec deux chroniques. Ah oui, alors avec la chronique rétrociné, donc aux alentours de 21h. Ouais, tu vas parler d'un film de quelle année? De 94. Ouais. 1994 pour les Français. Après, tu nous parleras évidemment donc des sorties cinoches. Des sorties ciné, oui. Alors, ça sera aux alentours de 21h30, je pense, ou 21h45, en fait, entre les deux. Ça dépend en fait de la longueur des chansons, forcément. Voilà, donc si vous avez vraiment envie d'aller au cinéma et si vous n'avez pas d'idées. Allez-y avant cette heure-là. Non, Sherlock va vous donner des bonnes idées. En parlant de bonnes idées, bah, y a aussi Marine qui est avec nous. Bonsoir Marine. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, alors toi, tu as aussi de bonnes idées, des idées de sortie. Tu vas nous parler d'un. Il est sorti, l'humour, on aime bien l'humour. Ouais. Ah. Et on va parler aussi un petit peu musique. Et un peu musique, ça c'est génial. Ouais. Bah, écoute, moi de mon côté, moi je vous parlerai du Black Friday. Ah oui. Ah, ça vous parle. Je vous parlerai de l'origine et aussi d'un événement qui va avoir lieu donc dans deux semaines. Je vais vous parler d'un grand événement qui va avoir lieu en partenariat, même pas puisque c'est 100% RLM. C'est oui, une soirée exact. Qui va avoir lieu donc d'ici quelques jours et on n'est pas peu fiers de vous l'annoncer. Mais on garde le suspense. On va vous en parler donc d'ici quelques instants. Je vous parlerai aussi, on reparlera aussi d'une pièce de théâtre qui aura lieu donc ce week-end. Oui. On avait reçu Mike pour l'occasion et on en reparlera. Je vous parlerai aussi également donc d'un tremplin qui aura lieu sur Moucron qui va faire parler de lui. Et puis je vous parlerai aussi d'un spectacle de Noël puisqu'on s'approche à grands pas de Noël. Donc oui, c'est il y aura vrai. Vraiment beaucoup d'actualité et ce sera juste après ça. Allez. We'll be right back. tears full of pride in a world. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM, 107.9 FM. Eh oui, donc toujours dans l'émission 120 au compteur. Et puis bah là, on vient d'avoir une petite surprise, une visite surprise. On allait l'annoncer, mais finalement, on ne sait pas s'il allait venir. Mais il est là, il est avec nous et ça fait bien plaisir. Salut, cher Alexandre. Ah, salut l'équipe. Ouais, comment ça va? T'as l'air pimpant, tu vois, ce soir. Ah bon, je suis en forme, je suis toujours t'as en forme, l'air que je suis pimpant. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, t'as l'air pimpant, attends, ça fait, c'est des années 70 à 70. Pimpant. Ouais, t'es pimpant. Pimpant, pimpant. Et quand je te vois, je suis toujours ébobie. Toujours quoi? Ébobie. J'ai pas écouté, pas. Ébobie. Étonné. Ah oui, ah bah ouais. Oui, ça veut dire étonné. Ébahi. Ébahi, voilà. Ah, ébahi, je comprends. Ouais, bah, j'ai pas doute. Ouais. Okay. Ouais. Bah, c'est normal avec ton dictionnaire La Blonde de 3 pages. Allez, c'est bon, continue l'émission, merci. Richard, qu'on a eu l'occasion de voir sur scène justement samedi, parlons-en. C'était plutôt une agréable surprise, t'as mis le feu dans un endroit qui était un peu froid quand même. Ouais. Mais bah, faut l'avouer. Bien. Mais c'était au Tennessee, à Waterloo. Ouais. Et on a passé un très très bon moment. Eh bah, je suis... content. Super content. Et on a découvert, pour ma part, j'ai découvert un nouveau répertoire parce qu'en fait, d'un tour de chant à un autre, tu chantes pas forcément toutes les mêmes chansons. Ah non, non, non, je suis assez éclectique, c'est ça qu'on dit ? Éclectique. Éclectique. Je sais pas, j'en ai jamais fait. C'est un sketch, ouais. Oui, je fais pas mal de. En fait, je m'adapte pas mal à la clientèle et puis j'aime bien varier un peu mon tour de chant. Je fais pas que de l'anglo-saxon, je chante français, italien. Oui, c'est vrai. Alors, il y a du Mike Brandt, il y a du Adamo aussi. Ouais, bien sûr. Je me souviens. Et du Claude François. Ouais. Calogero. Calogero. Ah ouais, je m'appelle Nathan. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite surprise. Pourquoi pas. Ah ouais, ouais. Et est-ce que tu as ramené aussi ta petite fan auditrice là qui vibrait à chaque chacune de tes paroles? Ah bah d'ailleurs aujourd'hui c'est son anniversaire, c'est vraiment son anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. La pile électrique, ouais. Ah ouais, la pile, carrément, mais c'était vraiment un plaisir. Bah, de toute façon, tu restes avec nous toute l'émission. Ouais, évidemment, et tu nous feras part de ta surprise et surtout tu nous parleras de ton actualité. Tu as certainement des dates prévues là. Ah oui. Ah bah voilà, on va en parler, mais avant toute chose, on va parler d'humour avec Marine qui va nous parler de quelqu'un qu'on connaît très bien, quelqu'un du cru. On va nous parler de Fabien Le Castel. Ah tiens, dis donc. Qu'on peut voir un petit peu partout, qui est bien connu d'ailleurs. Et il va se produire donc dimanche ici, le 18, à la salle de Vos au centre Marie Stacquet. Donc il va se produire de 17h à 20h. Et 3 heures de spectacle pour son spectacle qui s'appelle Mes 10 ans de scène. Ses 10 ans justement. Ah bah c'est curieux, tiens, qui dit 10 ans de scène, ben voilà, tu vois, on en parlait hors antenne. Oui. Alors pour la petite information, Fabien était passé par nos studios où il était vraiment au balbutiement de sa carrière, hein, puisqu'il se posait la question de savoir s'il allait faire de sa vie d'imitateur et à l'époque il était venu dans notre émission faire quelques imitations en disant comment vous trouvez ça, c'est bien, c'est pas bien. Et je vais même aller plus loin, c'est que le tout premier spectacle, s'il s'en rappelle, s'il nous écoute, au son c'était des gens de la radio et à la lumière, et puis on avait fait son premier spectacle au Factory Studio à Boucron. Voilà, il a bien grimpé depuis ce temps-là, et puis effectivement il le mérite, et puis c'est vrai que c'est un super humoriste, oui, et super imitateur, qui est produit par Cornio Prod. Alors Cornio Prod, tout simplement, qui est tenu d'une main de maître par notre ami Bruno Taloche. Ah oui, Vincent Taloche. Ça me disait, oui, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune, voilà, plus Vincent jeune. Taloche. Donc, il ne faut pas rater cette date-là, hein, dimanche, au Marius Taquet. Il faut aller le voir dimanche, et donc si vous voulez plus d'infos ou prendre des préventes, donc vous allez au centre Marius Taquet ou par téléphone au 056 86 01 60. Et bien voilà qui est dit. Ok, et ben on se retrouve après une petite coupure musicale avec Richard. Fébrilement je t'attends, je suis en manque de toi, je me languis de ton parfum. Sentir ta bouche effrontée, épouser tous mes rêves, dans un délicieux va-et-vient. Retenir nos élans, ton triangle d'or, je découvre en toi toutes les audaces. Quand tu m'aimes, lorsque tu dénoues tes jupons soyeux, moi je m'engloutis au fond de tes yeux. Ta gorge est un sang, tes puissants secrets. Quand tu m'aimes, je ne pense plus qu'à me perdre au plus profond de toi. Et ta peau

88.9 FM. RLM. Et oui, et on vient juste d'écouter ABBA avec Gimme, Gimme, Gimme, parce que c'est l'anniversaire de Annie Fried. Alors, le nom de famille, c'est Lindstedt. Ouais. Donc, c'est Frida, en fait. Oui, d'accord. La brune. Qui est devenue une princesse ou c'est pas... Oui, c'est ça, si, si. Oui, d'accord. Qui est devenue une princesse. Et je connaissais aussi la version italienne qui était Dame, Dame, Dame. D'accord. Ouais, c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment plus. Ils l'ont chanté en italien. C'est assez sympa. Un jour, je vous la ramènerai. Ouais, tout est en italien. Parce qu'apparemment, ils ont fait le tour du monde et ils l'ont chanté en plusieurs versions. Et dont Damé Damé. Voilà. Ok. Je rappelle qu'on est avec Richard Alexandre. Et là, normalement, on doit entendre Marine qui fait Richard. Ouais, mais je suis timide, là. Ah, d'accord. Ouais. Richard Richard, tiens, justement, est-ce que tu sais ce que c'est que le Black Friday? Alors, si je pouvais parler au micro, c'était bien. Non. Non, tu sais pas ce que c'est que le Black Friday. Alors, c'est, on en entend parler de plus en plus, le Black Friday en France. Faut savoir que c'était, ça vient des États-Unis. États-Unis. Vendredi noir. Vendredi noir, ouais, absolument. Et en fait, c'est une tradition qui nous vient d'outre-Atlantique au lendemain. Donc, c'était le lendemain de Thanksgiving. Donc, Thanksgiving, vous savez ce que c'est? C'est le jour où on découpe la nade. Ouais, enfin bon, d'accord. On a dit la date, nous mange. C'est ça, ouais. Alors, c'est traditionnellement une. On va dire une. C'est une tradition catholique qui ensuite est devenue laïque. Et ça se passe donc le 4e jeudi du mois pour remercier de toutes les réjouissances, c'est dur à dire. Réjouissances de la vie. Effectivement, à ce moment-là, on se fait un bon repas et on se fait une dinde. Et donc, ça, c'est le 4e jeudi du mois. Et le vendredi d'après, c'est le. Black Friday. Le Black Friday, effectivement. Alors, en quoi ça consiste le Black Friday aux États-Unis? C'est tout simplement profiter de la période des achats de fin d'année. Et souvent, les magasins, à ce moment-là, font des remises pas possibles, des 20, moins 20, moins 30, moins 50%, même plus que ça. C'est un peu, on va dire, les soldes à l'américaine. Et le Black Friday est arrivé en France en 2014. Oui, c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on en entend parler. Ça fait pas très longtemps. Alors, ceci dit, il y a eu un petit souci depuis les attentats donc, du mois de novembre, du 13 novembre. Ouais. Black Friday est passé un peu à la trappe et on a préféré changer de nom, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais ça reste quand même le Black Friday. Faut savoir qu'à l'origine, ça a été sorti sur Internet, et puis maintenant, les commerçants s'y mettent et ça se passe en général donc le dernier week-end de novembre, donc en France, c'est-à-dire donc le 25 et le 26 novembre. Et si je vous en parle, c'est qu'effectivement, il va y avoir le Black Friday au Bastion, donc à Tournai. Ah oui. Et j'aurai le plaisir de présenter le Black Friday. Donc, bien. Bastion, voilà, donc c'est confirmé. Où j'aurai le plaisir d'aller côtoyer tous les commerçants. Alors Dieu sait qu'il y en a, parce que je pense qu'il y en a une centaine. Donc ça va être assez épique. Mais ceci dit, il y aura le Black Friday un peu partout, mais je vous en parle. Il y aura aussi le Black Friday donc au Bastion. Donc c'est le 25 et le 26 novembre, donc à Tournai. Si vous voulez bénéficier de remises, de prix, par exemple, je ne sais pas moi, sur les cigarettes ou sur l'alcool, n'hésitez pas à profiter du Black Friday. Modération. Oui, avec modération, bien évidemment. Non, je plaisante parce que, à mon avis, il ne doit pas avoir de magasin d'alcool ni de tabac au Bastion. Ouais, je pense pas, non. Non, je crois pas, non. C'est plutôt des marques, c'est du vestimentaire. Les valises, les sacs à main, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est de la maroquinerie, c'est du bien-être, du prêt-à-porter, c'est un peu de tout pour les Français. Donc tu vois que tu connais le Black Friday, Richard? Bien sûr. Ah ouais. Bon, Richard, tu vas nous faire une surprise, puisqu'effectivement, nous, on parlait hors antenne d'un titre qu'on avait vu en live, le titre de Calogero que tu reprends, qui s'intitule Nathan. Ouais. Alors, c'est Je m'appelle Nathan ou c'est Nathan? Nathan. Nathan. Et c'est un titre qui nous a interpellé parce qu'effectivement, il interprète tellement bien qu'en fait, on savait même pas que c'était Calogero. Vraiment. Et on va l'écouter. De Richard Alexandre, qu'est-ce qu'on pense sur la... Oui, ça marche. Après, alors, tu parlais d'avoir un casque. Oui. On va se voir pendant la pause et puis on verra comment on va faire discuter, ça. Okay. Allez, bon, on se retrouve tout de suite après ça. Sans si envoûter que ma main.

not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Et c'était donc Desiree avec le titre Life. Ça date de 95. Desiree. Desiree. Ah non, ça s'écrit D-E-S apostrophe R2-E. Donc ça se dit Desiree. Voilà. C'est bien ce que vous semblez, hein. Vous êtes toujours dans l'émission 120 au compteur. Là, il paraît qu'on m'entend pas très bien au niveau du micro. Écoute, il faut que tu parles plus fort alors. Parce que je vais parler plus fort, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a un grand événement qui se prépare actuellement et puis il reste quelques semaines pour en profiter. Donc, les ventes ont démarré lundi. Cet événement, vous commencez à en entendre parler parce que, on foisonne, on transmet l'événement partout. C'est une soirée qui nous tient à cœur, évidemment. Puisque c'est la RLM Private Party. C'est la première soirée 100% RLM qui va avoir lieu donc le 8 décembre à partir de 21h. Donc cette soirée, vous aurez donc au platine entre autres Arnaud Tirard. Il y aura d'autres disques jockeys qui seront là évidemment pour vous mettre le feu sur la piste de danse. Et ça va se passer donc au Salon des Orchidées. Autant vous dire qu'il faut faire très vite parce que c'est place limitée. Évidemment, c'est Private Party. Donc pour avoir donc vos places, c'est très simple. Soit vous nous appelez directement, hein, on peut nous appeler ici au studio, donc on nous appelle au... Oui, alors au 056 34 11 81, ou si vous appelez depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Voilà, donc les préventes sont à 8 euros. Sinon, si vous venez donc le jour même, donc c'est 10 euros. Vous avez donc différents lieux hein, de prévente. Vous pouvez vous rendre par exemple au Méditerranéen, décidément, à Moucron. Vous pouvez vous rendre au Roubaigno, tiens, à Waterloo, friterie que j'adore. La Cantita, restaurant italien, donc à Waterloo. À l'Étac aussi à Waterloo. Et il y a d'autres points de vente si vous voulez plus d'informations. Il y a le Bowling des Alliés également. Il y a le Bowling des Alliés, donc c'est un nouveau lieu de prévente. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas donc à vous rendre parmi nos partenaires pour aller chercher donc vos préventes à 8 euros. Vous aurez l'occasion donc de voir tous vos animateurs préférés donc de RLM. On sera là bien évidemment. Et puis je peux vous dire qu'il va y avoir de l'ambiance, mais faites très vite. Donc c'est le 8 décembre à partir de 21h au Salon des Orchidées à Waterloo. Tout est mis en œuvre pour que vous passiez une très très bonne soirée. Il y aura un service de sécurité, évidemment, un parking où vous allez pouvoir vous garer. Et surtout à l'intérieur, une belle ambiance avec de la musique des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et vous pourrez voir tous les animateurs qui seront présents. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que D'accord, j'ai dit. Mais je t'écoutais pas donc. Voilà. Alors, on parle d'ambiance. On a la surprise d'être avec Richard Alexandre. Alors, Richard Alexandre, comment le présenter? Si je le présente comme Marine, c'est un chanteur. Mais en réalité, Richard Alexandre a quand même gagné l'Euroquet. Donc 2018, il a fait le championnat du monde de chant. Donc il est allé directement en Grèce et il est dans le top 5 des championnats du monde. Donc autant vous dire que l'année prochaine, il sera champion du monde, je pense, j'espère. Et il tournera, il nous donnera des dates, bien sûr, juste après. En fait, il nous gratifie d'une chanson en live dans les studios de RLM. Et je crois que c'est le premier qui va chanter en live dans les studios de RLM avec une reprise acoustique de Calogero avec Nathan. je vous demande d'applaudir, de faire un tonnerre d'applaudissements à notre ami Richard Alexandre. Ouais. Je m'appelle Nathan. Je suis différent. C'est un tremblement dans mon cœur d'enfant. Je m'appelle Nathan. Personne ne m'entend. Je ris en pleurant. Je pleure en dedans. Je m'appelle Nathan. Personne ne m'attend. Je comprends tout ce qu'on s'y dit, mais pour rien au monde je ne veux de ce monde si malheureux. De ma folie à scandale, vous y virez la raison. Venez dans mon hôpital qui fait peur dans vos maisons. Nathan, je m'appelle. Je suis violoncelle. Des étoiles de décibels. Nathan, Nathan, Nathan, Nathan, Nathan, je m'appelle. Personne ne m'appelle. Je suis seul dans ma nacelle. Je suis prisonnier. Du ciel. Oh, je m'appelle Nathan. J'aime pas le réel. Je préfère Angèle, qui est belle comme une crêpe au miel. Richard Alexandre en direct de l'antenne de RLM. Alors là c'est une nouveauté parce que c'est vraiment en acoustique totale et c'est vrai que parfois on n'a pas forcément la technique qu'il faut, et là il a assuré comme il a l'habitude de faire évidemment, sauf que au niveau technique on est parfois peut-être un peu limité. Ce serait bien que les auditeurs qui nous ont écouté et qui ont écouté Nathan, donc interprété par Richard Alexandre, nous balance des petits coms, hein, voilà, pour nous dire ce qu'ils en ont pensé. Richard, si tu voulais bien reprendre ta place pour nous donner effectivement des dates, parce que tu vas te produire là bientôt, dis-moi. Alors oui, justement j'ai des dates, mais c'est beaucoup des dates en privé pour l'instant. Ouais. Mais 2019, je crois que ça va être chaud. J'ai des petites actualités bien, des festivités qui vont être belles. Ils seront tous sur mon sur ma page Richard Alexandre ou alors sur mon fan club de Richard Alexandre. Notamment j'ai une grosse date qui va être comme le 13, le 14 juillet. Où ça va éclater. Ouais, ça alors va je éclater. Sais. J'ai l'état de privé là pour finir cette année. Pour finir cette année, justement, j'ai fait justement Nathan et puis je vais chanter dans un hôpital le 25 décembre pour tous ces personnes qui sont dans leur monde et qui ont un cœur comme tout le monde. Et je vais leur faire leur cadeau de Noël. Ah bah ça c'est génial. C'est génial. Alors il m'avait dit. Lors d'une soirée qu'il avait même été convié à un championnat du monde en Finlande auquel tu pourras peut-être pas en Finlande, ouais, hein, c'est, en ça, Finlande, ouais, c'est ça où tu pourras peut-être pas te déplacer mais quand même c'est que si on t'appelle pour faire le championnat du monde en Finlande c'est qu'il y a une raison. Ouais, il voulait à tout prix le champion de France, champion d'Europe, top 5 champion du monde pour participer justement au championnat du monde en Finlande. C'est un autre championnat du monde, c'est le World Cup KO, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ils m'ont invité, mais voilà, c'est après il faut tout réfléchir et. Oui, bien sûr, c'est du travail et c'est du voyage aussi. Alors on va se faire une coupure musicale. Oui. Et on aura aussi le plaisir, alors je ne sais pas s'il va vouloir prendre le micro parce qu'il va être pris un peu au dépourvu, mais de recevoir aussi Rudy. Rudy qui était batteur dans le groupe Platine 45 et ça va parler à beaucoup d'entre nous. C'était dans les années 80 qui avait fait plusieurs tubes. Il était avec nous, alors j'espère qu'il acceptera de prendre le micro, mais on verra ça hors antenne juste après cette coupure musicale. Allez, c'est parti. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits. Et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock'n'roll. Moi, ça me rendait fort. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3 plus du même âge, 4, 5, 6 amis, 7, 8, 9, can't get enough, 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby, 4, 5, 6, a kiss, 7, 8, 9, il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour du pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon d'évoiler son âme. On est plein pour ceux qui s'ignorent. Moi quand j'entends l'intro de Hey Joe, oh je comprends bien qu'aucun mot. Rien ne me met dans le même état que la voix d'Aretha. Ça s'appelait rock'n'roll. Je comprends rien mais que ça sonne. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Premier sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et oui, c'était donc les Cranberries avec Animal Instinct. Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Je sais pas s'ils tournent encore avec Dolores. Là, bah, mais, Dolores, elle est décédée. Donc, Ah, bah, ils tombent plus. Ah, ouais, j'avais totalement oublié. Ça va être un peu compliqué. Elle est décédée il y a quelques mois. Ah, ouais, d'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. Après, peut-être qu'ils recherchent une autre chanteuse pour chanter. Je sais pas du tout. Ouais. Bah, non. Non, s'ils veulent garder un certain standing, je pense pas. Donc. Ok. Des crânes pourris, peut-être. C'est déjà ça. Moi, je fais partie d'un groupe. Hein. Des crânes pourris. Bon, et je vous rappelle, parce que là ça va être redondant, mais on vous rappelle qu'il y a notre soirée RLM Private Party hein, qui aura lieu le 8 décembre. Surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Faites vite parce que bah, voilà, il y a du monde au portillon. Je sais qu'il y a déjà plus d'une centaine de réservations. Donc c'est le 8 décembre donc au Salon des Orchidées. Donc à partir de 21h, c'est 8h en pré-vente. C'est 8€ en pré-vente. C'est ça, 8h en pré-vente et 10h le jour même. Non, n'importe quoi. Donc 8h en pré-vente et. Ah, 8€ Mais je suis troublé en fait par Richard Alexandre, c'est ça, ouais. Je suis troublé par Richard Alexandre. Ou alors 10€ donc le soir même. Vous avez toutes les préventes, hein, c'est sur la page Facebook de RLM sur son compteur. Ou sur le site également rlmradio.com. Voilà, absolument. Donc n'hésitez pas. Et puis il y aura d'autres lieux de prévente qui sont programmés sur Waterloo et ailleurs d'ailleurs. Donc voilà. Donc il reste encore 3 semaines le temps de pouvoir avoir le kidam. Voilà. Nous sommes toujours donc avec Richard Alexandre. Présent. Ouais, alors vous avez entendu donc Nathan, c'était du direct en studio, hein, il faut le préciser quand même, si vous avez eu l'impression que c'était une bande son, non, c'était non, Richard Alexandre qui était là. Et alors on a une deuxième surprise avec nous, c'est Rudy. Alors Rudy, si vous ne le connaissez pas, on va peut-être faire un bond en arrière d'une trentaine d'années, je pense. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça, hein. Bah ouais, dans les années 80, oui, avec le groupe. De Crazy Horse, Chocolat, etc. Donc, il y avait le groupe Platine 45. Oui. Donc, c'était Francky Platine 45. Ouais. C'était le batteur. Donc, son titre phare, bah, c'était Cindy, je t'aime. Donc, oui. Les disques d'or. Donc, voilà, donc on a fait un gros parcours. Là. On était très jeunes. Oh, t'es pas très vieux non plus, hein. Non, juste 21 ans. Mm-hmm. Non, mais il faut quand même préciser, tu dis disque d'or, à l'époque c'était énormément de disques. Ah oui, oui. Parce que maintenant, quand on parle de disque d'or, c'est 50 000 exemplaires, je crois. Hein. Ouais. À l'époque, je crois que c'était 500 000 au moins. Un gros chiffre, bon, je pourrais pas le préciser, je peux pas forcément. Donc c'était quand même beaucoup de ventes. Comme on était très jeunes, donc on était 15-16 ans, donc on n'avait pas la réalité des choses. Du jour au lendemain, on se retrouve à jouer devant 3000 personnes ou 800 personnes. Donc, quand on est des jeunes gamins, on se demande qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Donc aussi il y a des voyages comme Bob Ireland, le fameux parc là. Boss là. D'ailleurs sur mon Facebook, on voit pas la photo quand on était jeunes avec le Big Boss, des choses comme ça. Avec le Big Boss Bobby. Bob Ireland, ouais, Bobby. Avec Bobby, ouais. Son chapeau, Boy, qui est un peu mort, je crois maintenant. Bobby, non, c'est à mon avis, ça fait. Ouais. Je crois qu'il est mort. C'est une très bonne personne. Et d'ailleurs. Hein? Et d'ailleurs, on salue Enrico au passage. C'est joli. Donc voilà, donc le parcours de Platine 45, il y a eu une dizaine d'années après avec le groupe Skylab. Ouais. C'est un peu showbiz et du show et tout ça, donc on a voyagé un peu partout aussi. Ensuite, il y a eu la pause, on va dire, donc on avait une famille, avait des enfants et des choses comme ça. Donc. Quelle erreur. Bah non, c'est la vie. Non, c'est tout aussi important. Il y a que les parents qui disent ça en général. Moi, là, je suis content d'être déjà 3 fois grand-père. Hein, donc, ah ouais, bah, tu fais pas ton bilan. Ouais, t'es un jeune grand-père alors. Voilà, 51 ans, je peux le dire, la semaine prochaine. Alors, il y a des projets en préparation, on n'en dira pas plus. Remonter sur scène, ça te titille, je crois. Voilà, donc je vais lancer la balle à Richard. Ah, pourquoi Richard lancer un peu plus peut-être? Non, pas du tout. Vous voulez garder le suspense ou Bah oui, bah en fait, bah Rudy m'a fait une petite proposition non indécente, mais on va peut-être monter quelque chose, un petit live avec les musiciens. Ah ouais. Et faire du gros show sur scène. On va prendre son temps surtout. Prendre son temps. Quelque chose de qualité. Il y a quand même déjà 2 filles super chanteuses, Rudy. Ouais. Ouais, attention à Richard. Il serait peut-être même en même temps. Attention à Richard, s'il y a deux chanteuses. Il a fait. Des chants lyriques, donc ça peut apporter pas mal de choses. Ah oui, donc il y aura un mélange de lyrique avec de la pop. Le but, à la base, c'était de reformer quelque chose avec mes filles, parce que j'en ai deux qui chantent, donc une qui chante un peu le style Céline Dion, ouais, et l'autre qui termine ses années académiques, on va dire. Donc, ah, quand même. Elle a quand même déjà repéré pour aller un peu plus loin. Donc, mais elle, c'est plus le lyrique. Donc après, je voudrais arriver à faire un mélange. Eh ben, on va surveiller ça de très près. Vous allez nous tenir au courant. Vous allez nous tenir au courant, évidemment. Et puis, nous, on aura peut-être la primauté du premier groupe qui va se former. Ce sera bien. Pourquoi pas? Eh ben, tiens, Sherlock. Oui. Alors, coupure musicale et après tu vas nous parler du rétro ciné. Oui, effectivement. Et on va faire participer justement Rudo. Rudy, mais je sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. Rudy et Richard de l'Oasis, hein, parce que Rudy et Richard qui vont pouvoir participer donc au rétro ciné, tu rappelleras le principe. Oui, bien sûr. Mais juste après ça. Oui, alors on va se retrouver après les Savage Garden et on parlait de chanteurs à voix. Et ben on va se retrouver après les Pogo. Ah ouais. Cool. Oui, bien. Allez. Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes barres, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts quand le cœur se sur moi. Attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Justify all the hurt inside. Guess one's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. Et c'était donc Savage Garden avec To the Moon and Back. Et là, quel était le titre phare de Savage Garden? Truly Madly Deeply. Ah ouais. Truly Madly Deeply. Voilà. Vraiment, mauvaisement et profondément. Madly, pas badly. Ah, madly, mauvaisement. Non, mad. Follement. De toute façon, follement, ouais. Follement. Rien du tout. Donc, vraiment, profondément. Follement. Profondément. Profondément. D'accord. Voilà. Ok. Et donc là, rien à voir, je vais vous parler d'un film dans la chronique rétro ciné. Donc je vais vous expliquer un petit peu. J'ai regardé un film. Un petit peu, tu vas nous expliquer. Ouais, je vais vous expliquer. C'est vrai que je dis souvent un petit peu en fait. Ouais, un ouais, c'est un défaut de langage. Oui, effectivement, c'est un tic de langage. T'as vraiment des défauts, toi, mais plein. Oh, bah, pff, je ne suis fait que de ça. Mais non. Oh, et tout ça pour qu'on lui dise ben, oh, t'as des qualités. Non, parce que je m'attendais à ce que vous disiez. Ouais, ouais, c'est vrai en fait. Non, bah non, t'as plein de qualités. On les a pas encore trouvées, mais t'en as plein. Voilà, t'as des c'est ça. Mais t'as des qualités. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé cette semaine. Je vais essayer de vous le faire deviner en vous donnant des petits indices. Alors, soit des extraits de dialogue, soit des musiques qu'on peut entendre dans le film. Et je vais vous donner quelques autres indices, notamment combien ça fait d'entrées, les acteurs, enfin, toutes les choses comme ça. Et on reviendra donc après une petite coupure musicale pour vous donner des anecdotes. Voilà, et donc on précise que Rudy et Richard peuvent participer, oui. Doivent participer. Merci. Alors juste un petit truc, si vous avez trouvé le titre du film, ne le dites pas tout de suite, mais essayez de donner vous aussi des indices à vos petits camarades autour de la table pour qu'ils puissent trouver également. Jurassic Alors, Park. C'est pas ça. Non, c'est vrai. Et là, ce serait ça. Non, c'est pas ça qui est coincé. Non, je l'ai fait la dernière fois. C'est Richard, je crois, qui avait trouvé justement. C'était Jurassic World. Ouais, c'est ah, ça. Ah oui, il nous avait fait. Tu nous avais fait le. Je sais non, pas quoi là. C'était le premier Jurassic Park. Terradoctor, je sais pas quoi là. Ouais, ouais. Alors, donc là, je vais vous dire que le film est sorti donc le 23 mars 1994. Un mercredi. Oui, effectivement, c'était un mercredi. Alors, le film a fait 1 088 900 entrées au box-office français. Il a été réalisé par Bill Duke et la musique de Miles Goodman. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, pour l'instant non. Je sais pas, alors, peut-être que pour les musiciens, là. Et... Alors, les pour. Pour info, dans les acteurs, on peut retrouver Maggie Smith, Jennifer Love Hewitt, James Coburn, Wendy McKenna. James Coburn. Ouais, James Coburn. Un mec des westerns, quoi, carrément. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est les remplaçants. Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, bon, forcément, là, c'est des seconds rôles, mais il y a également donc Katina Jimmy, Wendy McKenna, et, Ryan Tobey. Allez, pour vous donner que cela. Ouais. Après, je vais garder les deux plus connus pour la suite et je vais vous passer tout de suite un premier extrait. C'est une musique qu'on peut entendre dans le film, écoutez bien. Alors, est-ce que ça vous parle déjà la chanson? Ah bah oui, la chanson, oui. C'est de qui déjà? Alors, c'est de Aretha Franklin. Ah ouais, mais là, c'est une version remix quand même. Ouais, peut-être. Bah, elle chante, ouais, là, mais enfin, c'est quand même elle qui chante. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est de Aretha Franklin. Ouais. Alors, est-ce que ça vous évoque un film peut-être? Ah, c'est un film romantique? Non, pas trop. Non. Musical? Oui. Ah! C'est un film musical. Oui, c'est un film qui est plus musical, effectivement. En 96. 94. 94. Eddie Murphy, non ? Pas du tout, pas avec Eddie Murphy, non. Ouais. Avec Whoopi Goldberg. Oui, effectivement, avec Whoopi Goldberg. Ah. Oh, bien, je vois que Richard est sur la voie. Alors, attends, avant de donner autre chose, je vais vous donner donc un autre indice. Écoutez bien, là, c'est un extrait du film. Non, bah, nous y sommes, c'est la salle. La musique, la classe. Bien, merci. Oh, et surtout, n'oubliez pas, sur Sum Corda. Je vous demande pardon, qu'est-ce que vous avez dit? C'est du latin, ça signifie haut les cœurs. C'est drôle, j'ai cru entendre tous à l'abordage. Je sais pas si j'ai de réelles dispositions pour les langues mortes. Vous blaguez? Ouais. Les élèves vous attendent. Ouais. Hey, toi, avec la voix que t'as, ça m'étonne pas que ta rhum fasse DJ chez les quatre. Ouais. Le huc qu'elle se paye le jour où elle se pose sur la cancienne, elle fait des confettis, yo! Alors, dans le numéro 1, il y avait la leader des Fugees. Non, c'est dans le numéro 2. Ah, bah, on parle du numéro 2. Alors. Voilà, c'est ça. Voilà. Et le 3, l'ont pas fait. Non, il n'y a pas de 3. Il n'y a jamais eu de numéro 3, non. C'est vrai. J'aimerais bien, c'était prévu ou pas? Non, enfin, les fans auraient bien aimé, mais ça n'a jamais été évoqué réellement. Alors, il y a Rudy qui nous a lancé un petit indice. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais peut-être. Alors, l'indice. Pour moi, ce serait. Ah, il y aurait des moines dans le film. Il y a des moines dedans. Est-ce qu'il y a des moines? Il y en avait deux. Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Effectivement. Ah, il y a quand même des moines. Effectivement, il y a des frères, on va dire. Des mères. Alors, je vais vous passer un deuxième extrait de dialogue. Et juste après, je vous passerai donc une musique qu'on entend dans le film, une chanson qu'on entend dans le film. Ah, et on oui, se retrouvera juste après. Non, pas celle-là. Voilà. Maria. Je connais pas Maria Nani. S'il vous plaît. Ce n'est pas sa faute. Si Maria ignore que Marie est un agneau noir, en aucun cas, et c'est à vous tous que je le dis, ce n'est pas sa faute. Parce que peut-être que dans le pays d'où vient votre ami, Marie a un ours, ou encore un chaton, ou un chimpanzé prénommé Hippolyte. Ce n'est pas sa faute si elle ignore cette chanson, et personne, j'en suis sûr, ne lui reprochera, on est bien d'accord. Tu chantes ce que tu as envie de chanter, rien d'autre. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite après une petite coupure musicale. C'est une chanson qu'on entend dans le film. Je crois que c'est la chanson emblématique du film. Écoutez. days. Oh, happy days. C'était donc Happy Days par donc la troupe du film. Je vous le donne en mille, c'est Sister Act. Yes, Sister Act 2. Enfin, Sister Act Acte 2 en France. Oh yeah. Au Québec, ça s'appelle Rock'n'Non 2. Ouais. Donc bon, on va jamais faire comme les autres. Non, mais bah, ils veulent toujours traduire en fait hein, les. Et en Chine. En Chine, je ne sais pas, par contre. Sakakiki. Je crois pas, non. Donc, alors, si vous vous souvenez, depuis son aventure au couvent Sainte-Catherine, Dolores Van Cartier a démarré une carrière de chanteuse à Las Vegas, mais elle va avoir la visite de trois sœurs, sœur Marie-Robert, sœur Marie-Patrick et sœur Marie-Lazarus, l'informant que la mère supérieure a besoin d'elle. Celle-ci lui demande d'enseigner la musique dans le collège de Saint-François. La chanteuse donc accepte d'endosser une nouvelle fois l'habit de sœur Marie-Clarence pour sauver l'école où les sœurs sont devenues enseignantes et qui est menacée de fermeture par un homme d'affaires sans scrupules, donc qui est joué par James Coburn et qui s'appelle Monsieur Crisp. Ah, c'est James Coburn dans ouais. celui-là, parce ouais, que ouais. Dans le précédent, c'était Harvey Keitel. Oui, Harvey Keitel, effectivement. Donc, sœur Marie-Clarence prendra en charge cette classe assez difficile et finira par la transformer en chorale. Donc là, c'était la première chanson qu'on entendait d'eux en chorale. Alors, il faut savoir que Bill Duke, donc le réalisateur, fait un caméo dans le film en tant que Monsieur Johnson, donc le chef de Sketch, donc qui est l'un des élèves, qui le réprimande pour avoir pulvérisé des graffitis et discuté avec ses amis alors qu'il devrait travailler. Alex Martin, la fille de Whoopi Goldberg, apparaît dans le film comme l'une des filles de la classe. C'est elle qu'on entend dire « Ouais, ta mère, si elle s'asseyait sur un arc-en-ciel, la petite blague, ça ferait des confettis ». Hein non, pas la petite blague, c'est une fille quelconque de la classe, on la voit. Oui, bah oui, c'est une blague. La petite blague. Alors, il faut savoir que c'était donc le premier film pour Lauryn Hill et Ryan Tobey, donc au cinéma. Ryan Tobey, c'est celui qui vient de chanter. D'ailleurs, la célèbre note très haute, là, interprétée par Ryan Tobey, qui joue le rôle de Amal dans le film, lors de la chanson Oh Happy Day, est un mi naturel majeur. Une des notes les plus hautes et les plus difficiles à jouer pour les chanteurs et les vocalistes. C'est vrai, Richard ? Donc, c'est vrai. Ryan Ryan Tobey avait alors 16 ans lors du tournage de ce film. Ouais. Il faut savoir également donc que Thomas Gottschalk, donc le père Wolfgang, celui qui sert des saucisses à tous les repas, était donc un célèbre animateur de télévision allemande et il a pu avoir la chance de jouer son rôle suite à la perte d'un pari par Whoopi Goldberg pendant le jeu télévisé de Thomas donc en Allemagne. Ah ouais. En fait, elle avait fait un pari avec lui, elle l'a perdu et il a pu jouer ça. James Coburn donc souffrait d'arthrite et un soin particulier a été pris pour cacher partiellement ou complètement ses mains. Effectivement, on voit, si on regarde bien, si on s'attarde là-dessus, on voit effectivement que ses mains ont un peu souffert. Didi Magno, David Keiter et Jennifer Love Hewitt faisaient tous trois partie donc de la grande famille Disney. En effet, ils officiaient sur Disney Channel ou faisaient partie du groupe The Party créé par Disney au début des années 90. Dans son autobiographie Not Dead Yet, Phil Collins dit qu'il avait été même approché pour un rôle de professeur de théâtre pour le film. Ah, ça aurait été sympa. Ouais. Et donc, on peut trouver une petite incohérence qui s'est glissée dans le film. Lorsque la mère de Rita lui dit qu'elle ne... Donc Rita, c'est... La gaufre. Elle est jouée par Lauryn Hill. Donc lorsque la mère de Rita lui dit qu'elle ne peut plus être dans la chorale, elle se contredit techniquement, car le cours de musique est obligatoire dans le cadre du programme. Par conséquent, Rita doit prendre classe pour obtenir son diplôme. Sinon, donc, s'il n'y va pas, elle n'a pas de diplôme. Et Rita Vanille ou Rita Cassonade? C'est pas possible. Ouais, Rita Cassonade, on est dans le nord. Enfin, on est dans le sud de la Belgique quand même, mais. Ouais. On est au nord de la France. Bah, en tout cas, ça rappelle bien les souvenirs. Perspicace. Ouais, t'as vu ça? Ça rappelle bien des souvenirs, évidemment. Oui. Sister Act, tout le monde l'a vu. Le 1 et le 2. Superbe film. Même ouais. Le 3. Hein? T'as même vu le 3, toi? Mais j'adorerais voir un numéro 3, franchement. Ouais, ceci dit, Whoopi Goldberg, je crois qu'elle avait refusé. Oui, ben, en fait, déjà, dans le premier, elle s'était pas très bien entendue avec Disney, parce que c'est Touchstone Pictures qui produit, donc c'est une filiale de Disney. Apparemment, elle s'était pas très bien entendue avec eux, et elle a joué ce film à condition de pouvoir faire son film qu'elle voulait faire, c'était Sarafina. Ah ouais, d'accord. Eh ben écoute, merci pour tout ça. Ben, on va se faire une petite coupure musicale. Et puis, comme on est dans l'univers artistique, je vous parlerai d'un tremplin juste après. Ça fera peut-être, ça donnera peut-être des idées à Rudy et à Richard qui sont avec nous. Hein. Je rappelle à Richard Alexandre, donc champion, presque champion du monde à 5 près. Tu vois, moi, du chanteur lui dit ça quand même. Non, lui, pas le deuxième. Ben voilà, c'est ça. Il y a Jean-Michel, le chanteur à moitié. À peu près. T'as Jean-Michel à peu près, maintenant t'as Richard Alexandre à peu près champion du monde. Allez, on se retrouve après ça. Nuage, j'aime les sombres, tout est hate on us. Niggas be envious. I know why they hating on us. Cause it's not so fabulous. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Girls be all on us. From London back down to the US. We rockin' this contagious. Monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it louder. Pump it louder. Pump it louder. Pump it louder. Pump it louder. Pump it louder. And say, say, yo, yo. Turn up the radio, flash your stereo right now. Hope it's Tony Smith and Lynn. It's Smith and Lynn. You check this out right here. Do wanna hate on us? Do need to ease on up? Do wanna act on gut, but do get shut like Flavor Shuck? Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed. That's what we do. That's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on, don't stop. And keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Let us teach us the deep dive. On the stereo, let the speakers blow your mind. Blow my mind, baby. So let it go, let it go, here we go. Let us teach us the deep dive. Come on, yeah. Pompit avec les Black Eyed Peas. D'ailleurs, les Black Eyed Peas qui se sont reformés sans Fergie. Ouais. Et oui. Franchement, ça me fait de la peine. Parce que moi, j'adorais Stacey Ann Ferguson, évidemment. Ouais. J'ai toujours été fan. Et j'étais même fan de Stacey Ann Ferguson avant son entrée dans les Black Eyed Peas, puisqu'elle avait un groupe, les Wild Orchids, avec un titre qui est vachement connu, hein, d'ailleurs, des Wild Orchids. Mais on ne savait pas que c'était Fergie à l'époque et qui a rejoint donc il y a quelques années donc les Black Eyed Peas. Et bah elle nous manque, enfin moi elle me manque. Oui, ouais, c'est, vrai que les Black Eyed Peas, j'en parlais justement en antenne avec Marine, ils ont commencé sans Fergie, ils ont commencé à trois en fait, trois mecs, donc Will.i.am, Apple D.A.P. et Tabou. Ils ont ensuite recruté une chanteuse, mais ça n'a pas fonctionné des masses. Elle est partie parce que apparemment ils s'entendaient pas très très bien dans le groupe et ils ont recruté Fergie derrière. Et là c'est vraiment à ce moment-là où leur carrière a décollé à l'international. Ce qui était un peu connu aux États-Unis, mais c'est vraiment au moment où Fergie est arrivé que ça a commencé vraiment à décoller, quoi. Ouais, absolument, absolument. Alors on va continuer dans l'univers artistique. Moi je voudrais vous parler donc d'un tremplin qui va avoir lieu au mois de décembre, donc qui aura lieu d'ici un mois et demi, même un mois je pense, hein, puisque c'est si ma mémoire est bonne, pardon, je crois que c'est le 13 décembre. Et donc c'est un tremplin qui est national pour faire connaître donc les artistes, tout type d'artistes, alors auteurs, compositeurs, interprètes. magicien, humoriste. Et c'est organisé depuis de nombreuses années par Christian Lebon. Alors Christian Lebon qui est assez connu, hein, il était à la base Géo, donc au Club Med. Ouais. Et il avait pour coutume de chanter Il y a de la joie. Il y a de la joie de Charles Trenet. Ouais. Et Charles Trenet l'a repéré. Et donc Charles Trenet lui a demandé effectivement de venir faire des chansons avec lui, avec Charles Trenet quand même. Donc, excellent. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc depuis quelques années, donc il a créé un tremplin qui s'appelle donc le tremplin des talents. Ça se passe en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est la sélection. Et la sélection donc aura lieu donc au Babylone Cabaret, donc à Bourron. Donc d'ici quelques semaines, donc il faut faire très très vite. Pour la petite information, issue de cette sélection, de ces tremplins, il y a eu quand même des artistes qui se sont fait connaître et reconnaître. Il y a Jean Dujardin qui est passé par là, même, hein. À ses débuts, voilà, absolument. Il y a Bruno Salomon, ouais. Magali Vaé. Oui. Qui avait d'ailleurs interprété un titre, si je ne m'abuse, de Ginette Renaud. Ouais. Voilà. Je ne suis qu'une chanson. Je ne suis qu'une chanson. Donc ça, c'est la première étape. Ça se passe en région. Donc là, en l'occurrence, au Babylone Cabaret. Et on recevra justement, pour l'occasion, Philippe, qui est le boss, hein, du cabaret. On le recevra peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce qu'il faut faire très vite. La deuxième étape, c'est de se produire au cabaret Artichaut à Paris. Alors, Artichaut, je ne connais pas du tout. Alors, tu t'en connais de nom puisque Sabine Paturel s'y produit régulièrement. Ah oui, oui, voilà. Exact. Voilà, donc. Non, Artichaut, je pensais comme le légume en fait. Non, c'est Arti et Chaud. Voilà, comme un chaud. Voilà, absolument. Donc, le cabaret Artichaut. Une fois que voilà, donc la finale ensuite a lieu dans une grande salle parisienne dont on n'a pas encore le nom aujourd'hui, mais je l'aurai d'ici quelques jours. Et ensuite, c'est pour terminer sur une tournée nationale en France, donc en 2020, avec tous les artistes. Et cette tournée s'appellera évidemment donc le tremplin des talents. Si vous voulez plus d'informations, alors n'hésitez pas à prendre contact avec Christian Lebon, donc sur Facebook. Donc vous tapez Christian Lebon, ou alors il y a la page, hein, qui s'appelle les tremplins des talents. Le tremplin des talents, pardon, donc sur Facebook. Et là, vous aurez toutes les informations, en sachant que, donc, je rappelle que donc les sélections auront lieu au mois de décembre. C'est première quinzaine du mois de décembre, donc au cabaret Babylone. Il faut faire très vite parce qu'il y en a beaucoup qui se ruent sur les sélections. Donc si vous êtes auteur, compositeur, chanteur, j'insiste, pas interprète, ils veulent vraiment des chanteurs qui créent eux-mêmes leurs chansons. Si vous êtes humoriste, alors bien sûr vous reprenez pas des sketchs qui existent déjà, c'est vraiment de la création. Non, parce que ça existe déjà, mais chez les vrais humoristes en fait ils piquent des blagues. Ouais, non, mais là il faut vraiment que ce soit un humoriste, que ce soit de la création pure. Si vous êtes magicien, si vous êtes transformiste, si vous êtes, enfin voilà, si vous avez du talent, eh bien n'hésitez pas, c'est peut-être le moment de vous faire connaître déjà sur Moucron, puis ensuite partir sur Paris, sur Paname, et puis voilà. Mais on en aura plus d'informations. Je sais qu'il y a une interview qui est prévue dans le courant donc de la semaine sur RLM en direct, et ensuite on recevra donc les patrons donc du Babylone Cabaret qui nous parleront plus dans le détail donc de ce fameux tremplin des talents. Ok, ben c'est parti pour une petite coupure musicale. Alors je sais pas si vous vous souvenez, en 2000, je dirais 2000 ou 2001, il y avait la comédie musicale Roméo et Juliette. Oui, effectivement. Et il y avait donc le chanteur qui jouait le rôle de Roméo, oui, qui s'appelle Damien Sargue, oui, qui a sorti un titre il y a pas très longtemps qui s'appelle J'ai besoin d'amour comme tout le monde. On va s'écouter ça et juste après on s'écoutera Chic, parce que c'est l'anniversaire du batteur Tony Thompson qui est décédé. C'était donc le batteur de Chic. Ok, et ben ça marche. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Ouais, mais c'est je t'ai vu lever le doigt. Mais c'est intéressant ça. Donc, bah si, moi. Vas-y. Non, mais je te le dirai en fait. Bon, d'accord, c'est parti. Ailleurs, quelle est ma vie? J'ai par vous coule la vie. On est là pour nous, c'était dit. Je suis là par vous, c'est ma vie. J'ai besoin d'amour pour tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. To the disco scene. c'était Chic avec I'll Be There. Yeah. Quel accent. Ouais, l'accent. Ouais, t'as vu ça? Franchement, tu mets patate. Moi, j'aime bien le petit mélange anglais, suisse, allemand. Non, c'était très bien, effectivement. Donc ça, ça date de 2015. Franchement, ça fait déjà trois ans que c'est sorti. J'ai l'impression que c'était l'année dernière, en fait. Ouais, ouais, moi je pensais que c'était plus vieux, puis ça fait funk, moi j'aime bien. Bah, ouais, bah en fait, ils ont repris leur style, hein, donc ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus ancien, mais non, ça date de 2015, en fait. Ils sont reformés et ils ont sorti ça en 2015. Alors moi, maintenant, je vais vous parler des sorties ciné. Cool. Pour la Belgique, tout ouais. d'abord. Ouais. Alors, pour la Belgique, donc les sorties ciné donc, qui ont eu lieu hier... forcément, avec tout d'abord le film Suspiria. Oh, encore un remake. Ben oui, je sais, désolé. C'est sorti également en France hier, désolé. Si je te fais chier, tu le dis, j'y peux rien, moi, c'est pas moi qui fais les films. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est un scénario à deux balles en plus. Ouais, bon. Alors, donne envie aux gens d'aller au cinéma. Hein. Ouais, tout de suite. C'est avec Dakota Johnson. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est celle qui a joué dans 50 nuances degrés, il me semble. Hein. Ça doit être ça. Ouais, ouais. C'est possible. Avec Tilda Swinton et Mia Goth. C'est un film Mia de Goth. C'est G-O-T-H. Donc c'est Goth ou Goth en français. Ah non, c'est Goth. Goth. Bah ouais. Goth. Mia est normalement devrait même dire Maya. Maya Goth. Donc c'est un. Après un film les Goth fritas. C'est ça. Alors c'est un film de Luca Guadagnino. Enfin, c'est Luca. Ouais, c'est Luca. Et donc, c'est Suzy Bannion, qui est jeune danseuse américaine, qui débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Elena Marcos. Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée par son talent, promeut Suzy danseuse étoile. Tandis que les répétitions du ballet final s'intensifient, les deux femmes deviennent de plus en plus proches. C'est alors que Suzy commence à faire de terrifiantes découvertes sur la compagnie et celle qui la dirige. Je verrais bien quand même ce film-là, mais pas au cinéma, pour voir la différence avec le remake. Mais oui. Le remake, la version originale était assez, c'est plutôt série B, quoi, vraiment. Ouais, ça date des années 80, je pense. Ah hein. Oui, peut-être même avant, je me le demande. Ah, peut-être, ouais, effectivement. Alors ensuite est sorti hier, Un homme pressé. C'est sorti déjà depuis le 7 novembre en France. Donc c'est avec Fabrice Luchini, Leila Bekti et Rebecca Marder. Alors moi personnellement, Fabrice Luchini, j'ai un peu de mal. Hein. C'est, moi j'adore Luchini. Il se prend trop la tête pour moi en fait. C'est formidable. Ouais. Ah non, il est génial Luchini. Oui, voilà. C'est formidable. Moi j'aime bien. Ah, mais avec c'est tout sûr ça, que tu l'invites sur un plateau télé, t'es sûr qu'il va faire le show. Ah ouais, bah sur la relève, on serait mal barré. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors donc Alain est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste, une logopède en Belgique, pour ceux qui... Alors donc, à force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun à sa manière va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre. Alors, on va se retrouver tout de suite après une petite coupure musicale, donc juste une chanson, on se retrouve tout de suite après ça pour les sorties France. Une chanson. Ah ben voilà, Magali Vaillé de retour. Allez, c'est parti. Des insomnies, des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit, non pas de bruit. I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care, is it too much? I need to know if I'm needed. You and I, close together, a new dimension. But if we dare, we will succeed. Charme génusé que l'on partage. Deux, trois secrets d'enfant passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous. Un très grand lit sans rien autour. Non, rien. You and I, close together. A new dimension. Still far from being complete. You and I, close together. But if we dare, we will succeed. Du temps, l'envie et pas de bruit. La nuit, le jour, sans rien autour. Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Il nous manque si peu de choses. Toi et moi, c'est presque ça. C'est tellement déjà. Nous serons ce que l'on ose. You and I, close together. New dimension. But if you're there, we will succeed. RLM 107.9 FM. Nom de Zeus. Non, c'est ça plus. Rappelle quelque chose. Nom de Zeus. Ouais, on peut le dire quand même au passage, c'est que tu as eu l'occasion de faire une petite intervention radiophonique sur une autre radio confrère, hein, oui, pour nous parler de cinéma et ça s'est plutôt bien passé. On a appris pas mal de belles anecdotes sur le cinéma grâce à toi, Sherlock. Bah oui, voilà. Bon, je vais passer. Je pensais qu'il allait répondre à un truc. Ah, dès que tu lui lances des flèches, il attend le pot. Il va me sortir une connerie. Bah ouais, c'est ça en fait. J'attendais. Plein de gentillesse. Bah, ah, c'est vrai, non, mais c'est gentil. Merci. Mais oui, vas-y, tu cours. Donc, on va passer aux sorties France avec Les Chatouilles. C'est un film de Éric Métayer avec Karine Viard, Clovis Cornillac et Andrea Bescon. Ça sort alors le 9 janvier 2019 en Belgique. Donc c'est Odette qui a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d'un ami de ses parents qui lui propose de jouer aux chatouilles ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie. On comprendra donc qu'elle s'est faite à toucher quand elle était petite. Ah ! Et ouais, donc Odette est jouée par Karine... Ouais, elle est jouée, belge, j'imagine. Non, je pense pas, c'est... c'est par Éric Métayer, donc je ne pense pas qu'il soit belge. Qui est le fils de... D'Alex. Alex Métayer, c'est absolument ça. Absolument. Alors, et ensuite, je vais finir donc avec le blockbuster qui est sorti hier en Belgique et en Sausage France. Sausage Party. Pas du tout. C'est Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Avec Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, j'en passe, c'est les meilleurs. Johnny parce qu'il Depp, il joue dedans. Ouais, ouais, c'est lui qui fait le grand méchant. Ah, mais il n'était pas dans le 1, si. Si, si. Ah, ouais. Enfin, on l'entreapercevait. Alors, donc, ça se passe en 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaques d'humains normaux par des sorciers, donc ce qu'on appelle maintenant les moldus dans Harry Potter. C'est des gens de la terre, les moldus. Ouais, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir magique en fait, les non-sorciers. Les non-sorciers. Alors, des moldus. Ouais, des moldus. Et seul celui qui considérait autrefois comme un ami Albus Dumbledore semble capable de l'arrêter. Ce dernier va devoir s'associer avec la seule personne ayant déjà réussi à déjouer ses plans, Norbert Dragono. Ouais. Mais non, c'est trop bien. Mais je sais que ça ne te parle pas du tout. Ah non, mais carrément. T'étais pas du tout dans ce style de film. J'ai dû voir des extraits du premier. Bon, au niveau des effets spéciaux, c'est sympa. Ouais. Oui, c'est très bien fait. Après, faut aimer ça, quoi. Ouais, bah tous ceux qui aiment Harry Potter devraient aimer ce film, forcément. Ah ouais. Vu que c'est complètement dans l'univers Harry Potter. Richard, tu irais voir quoi? J'ai envie d'aller voir, moi, c'est Bohemian Rhapsody. Genre le mec. Ouais, mais c'est déjà sorti. Bohemian Rhapsody, d'accord. Ouais, ah bah ouais. Si tu veux, c'est encore au cinéma, tu peux. Hein. Ah bah y a ouais. Aucun problème. Christophe, tu irais voir quoi? Juste ça, alors, comme il a dit. Pareil. Bohemian Rhapsody. Ouais, d'accord. Marine, tu irais voir quoi? Les animaux fantastiques. Les grimes de Grindelwald. Ouais. Et toi, Harry? Les chatouilles. Ah ouais. Non, effectivement, ouais, c'est... je pense que c'est un très beau film. Ouais, après, vous allez pas voir Harry Potter? Si, bien sûr. Ah ouais. Bah oui, bien sûr. Il faut que j'aille encore voir Bohemian Rhapsody parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir. Eh bah écoute, samedi, on se fait une sortie en bus pour aller voir Bohemian Rhapsody. Donc, si ça t'intéresse, on t'embarque. Ouais, écoute, pourquoi pas. On a bus au 056. Bon, allez, on va se retrouver tout de suite après une petite chanson pour se dire au revoir. Malheureusement, c'est déjà. On arrive déjà à la fin de ces deux heures. Alors, balance la petite chanson, un petit Annie Cordy, ça ferait plaisir. Non, à du tout. Non, bah. Et à Pierre. C'est un film, juste. Enfin, c'est une chanson, justement, tirée d'un film, tirée de A Star Is Born avec Lady Gaga. Ah. Et donc, la chanson, c'est Lady Gaga et Bradley Cooper qui chantent et ça s'appelle Shallow. Ok. Gaga, donc tiré du film A Star Is Born, qui est un très beau film, je l'ai vu. Pareil. C'est un remake hein, également. Oui, oui, il y a absolument. Déjà eu trois remakes hein, de ce film. Voilà. Enfin, D'ailleurs, c'était Barbara Streisand qui tenait le rôle dans la version originale. Non, du tout. La version originale, elle date de 1937. Donc, dans un des remakes, effectivement. Donc, il nous reste quelques instants. Le temps de vous rappeler que ce week-end, puisqu'on les avait reçus la semaine dernière, il y a la troupe Phoenix hein, qui présente Manipulation, une pièce en 9 scènes. Donc, ça c'est sous forme d'épisode. Ils nous avaient bien vendu la sauce et on avait vraiment envie d'aller le voir. Donc, c'est le 17 et le 18, donc le 17 à 20h. et le 18 à 15h à la salle Jean Jaurès à Waterloo. Si vous voulez plus d'infos, évidemment, donc vous allez sur la page Facebook, vous tapez Manipulation Groupe Phoenix et vous retrouverez toutes les infos. Nous, il va falloir que nous nous quittions. Voilà, il y a toutes les bonnes choses ont une fin, sauf les saucissons, comme dirait mon ami Sherlock, ou les bananes. On remercie évidemment Richard Alexandre d'être venu nous faire un petit coucou. Et merci à vous de m'avoir invité, surtout. Eh ben, reviens quand tu veux. Merci à Rudy aussi également. Voilà, donc quand... pas de soucis, à la prochaine. Eh ben, j'espère bien. On remercie Marine aussi également. Semaine prochaine, salut. Et puis Sherlock. Hein. Gros bisous. Allez, à vous. Ciao. Et portez-vous bien. Ciao.